27th of June, year 2016, on Monday, we have to continue our Chatura Rekha Kamathana, four kinds of meditation which help our insight vipassana meditation, right? We are coming Buddha Nosati, contemplating of our Buddha's virtue, and Metta and Asubha and Maranasati. Now we are the day before yesterday, we finished Vijjacharana. Vijja, three kinds, eight kinds, charana, 15 kinds of the practice to get the wisdom and knowledge. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2016, lundi. Nous allons poursuivre notre enseignement à propos des quatre méditations protectrices, Buddha Nosati, Metta Bhavana, Asubha Bhavana et Maranasati. Hier, nous avons donc étudié Vijjacharana Sampanno, une des qualités du Bouddha, une des vertus du Bouddha, c'était la troisième. Nous avons vu qu'il y avait 8 sortes de connaissances et 15 sortes de pratiques. Nous avons déjà, tous les matins, nous récitons les vertus du Bouddha, et nous avons déjà étudié les trois premières, Aham, Sammasambuddho et Vijjacharana Sampanno. Nous arrivons ainsi à la quatrième, qui est Sugato. Aujourd'hui, nous allons donc voir en quoi consiste Sugata, cette quatrième vertu du Bouddha. Donc, nous allons voir la qualité appelée Sugata. Sugata peut être traduit par arriver, bien arrivé. Le Bouddha est bien arrivé. Pour devenir un Bouddha, ce n'est pas facile. Il faudra, en effet, mener les 10 paramis à leur accomplissement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 10 paramis. La première, c'est Dana, la générosité, la charité. La deuxième, c'est Sila, la moralité. La troisième, c'est Nekama, le renoncement. La quatrième, c'est Panya, la compréhension ou sagesse. La cinquième, c'est Viriya, l'effort ou l'énergie. La sixième, c'est Kanti, la patience. La septième, c'est Satcha, la vérité, la sincérité. La huitième, c'est Metta, l'amour bienveillant. La neuvième, c'est Aditana, la détermination. Et la dixième, c'est Upeka, l'équanimité. Il faudra donc mener ces 10 paramis à leur perfection. Et il y a 3 méthodes pour y arriver. Donc il faudra mener ces 10 paramis à leur perfection. Et tout ceci ne prendra pas qu'une seule vie, 2 vies, 3 vies, mais un nombre incalculable de vies. Il faut savoir que notre Bouddha, le Bouddha Gautama, lorsqu'il a rencontré le Bouddha Dipankara, dans un passé extrêmement éloigné, on parle de 4 éons plus 100 000 cycles cosmiques, ce Bouddha Dipankara avait prophétisé que notre futur Bouddha allait devenir le Bouddha Gautama à notre époque. Le futur Bouddha Gautama a dû donc passer un nombre incalculable de vies à cultiver ses 10 paramis. Nous aussi, nous cherchons à atteindre la libération de la souffrance et nous nous efforçons du mieux que nous pouvons de pratiquer et de développer ses vertus. Tout ceci va se faire progressivement, pas d'un seul coup. Et au plus les vertus seront développées en nous, au plus elles vont influencer favorablement notre cheminement. Pour ce qui est de la première vertu, dana, la générosité, elle va nous permettre de diminuer l'attachement en nous. Nous allons donner nos possessions aux autres et nous allons ainsi nous détacher de ces choses. Nous allons également pratiquer la deuxième vertu, sila. Sila, la moralité, c'est la deuxième perfection, la deuxième parami. Ici, nous nous efforçons de maintenir purs les 9 préceptes. Chaque jour, nous nous engageons à respecter ces 9 préceptes. Nous essayons de les maintenir purs. Pour les maintenir purs, nous devrons endurer beaucoup de frustrations. Nous allons en effet renoncer à notre vie habituelle. Dans la vie habituelle, on est libre de faire ce que l'on veut. Si on a envie d'écouter quelque chose d'agréable, on peut le faire. Si on a envie de voir, de regarder quelque chose de beau, on peut le faire, etc. Tous les contacts sensoriels sont admis, sont autorisés. Mais ici, nous renonçons justement à tous ces contacts sensoriels puisque nous prenons le précepte d'éviter de nous y engager. Nous devons tout contrôler. Lorsque nous entendons un bruit, même s'il est agréable, on s'abstient d'y prendre plaisir. Lorsqu'on voit une image, on s'abstient d'y prendre plaisir, etc. Nous contrôlons ainsi nos contacts sensoriels et nous ne nous autorisons pas à nous y complaire. Nous renonçons donc au plaisir sensuel et c'est difficile. Nous nous comportons en réalité comme des bhikkhus sur une base temporaire, puisque nous renonçons à tout cela. C'est la signification de la troisième parami, nekama, le renoncement. Pendant tout le temps de la retraite, nous allons pratiquer ce renoncement. Ce n'est pas facile de participer à une retraite comme celle-ci. Il faut qu'il y ait déjà en nous des paramis pour qu'on décide de le faire. Si nous n'avions pas déjà en nous une certaine dose de paramis, nous n'aurions pas pris cette décision. Mais ces paramis qui sont déjà en nous ne sont pas encore très mûrs. Il faudra les développer et les faire mûrir, non pas pendant un an, mais pendant 2 ans, pendant 3 ans. Chaque année, nous allons prendre la résolution de participer à des retraites comme ceci. Et dans la vie de tous les jours, nous allons donc développer petit à petit ces vertus. Plus on les développe, plus elles vont devenir mûres. La quatrième parami, c'est Panya, la sagesse ou compréhension. Nous sommes ici à méditer et nous développons petit à petit cette compréhension. Nous observons attentivement le corps et l'esprit et nous commençons à comprendre qu'il n'y a en nous que ces deux choses, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, en interaction. Nous voyons alors les choses telles qu'elles sont réellement. Au début, on apprend à noter les phénomènes de façon objective et précise. Petit à petit, la compréhension va se développer, mais ce n'est pas facile d'y arriver. Il faudra que nous développions alors cette sagesse, cette compréhension, de façon à arriver à la claire compréhension. La cinquième vertu, c'est Viriya, l'énergie. Il faudra que nous fournissions constamment un effort si nous voulons progresser. Parfois, nous pourrons constater que notre esprit s'ennuie, qu'il est pris par la somnolence, ou au contraire, il est très agité. Viriya n'est pas en équilibre. Il faudra donc veiller à ce que l'effort, le viriya, soit toujours présent et bien dosé. Nous ne pouvons pas y échapper. Si nous voulons progresser, nous devons fournir un effort. Tout ceci, c'est la signification de Sugata, bien arrivé. Le Bouddha est bien arrivé, il a développé progressivement toutes ses vertus. Kanti, la patience, est une autre parami. Il faudra se montrer patient et endurant. Nous sommes ici à pratiquer la méditation et nous devrons faire très souvent preuve de patience et d'endurance. Nous aimerions rester au lit jusqu'à 6 heures, Mais le programme exige que nous nous levions à 4 heures et donc nous devons renoncer à ce plaisir. Nous devrons endurer tout l'inconfort qui est lié au fait de se lever très tôt. C'est de cette façon qu'on va réussir petit à petit à parfaire cette paramie. Il faudra faire très souvent preuve d'endurance lorsqu'il y aura des sensations désagréables, des douleurs, des choses qu'on n'aime pas. Il faudra résister à tout cela et faire preuve de patience et d'endurance. Pour ce qui est de metta, l'amour bienveillant, c'est une autre paramie qu'il faudra également développer. Metta, l'amour bienveillant, n'est pas un amour que l'on dirige vers soi-même, c'est un amour qui est dirigé vers les autres. Même si au début, on commence par s'envoyer des pensées bienveillantes à soi-même, ce n'est pas dans un but égoïste, c'est simplement pour comprendre que ce que l'on se souhaite à soi-même, il faut le souhaiter aux autres également. Donc on comprend bien ce que l'on va souhaiter aux autres. On va leur souhaiter d'être heureux comme nous souhaiterions être heureux. Dans ce centre, nous prenons 9 préceptes. Le 9e, c'est donc l'engagement à garder l'esprit toujours bienveillant à l'égard de tous les êtres. Nous nous engageons à essayer de maintenir en nous cet esprit bienveillant, dirigé vers le bien des autres. C'est donc la pratique de metta. Nous sommes déterminés à maintenir cet esprit bienveillant en nous tout au long de la journée et même de notre vie. La neuvième paramie, c'est Aditana, la détermination. Cette même détermination que nous avons à propos de metta, il faudra l'avoir à propos de notre pratique également. Nous devons être très déterminés à maintenir notre engagement. Nous sommes assis ici à pratiquer la méditation et c'est difficile parce que par moments il y aura des sensations désagréables. Nous aurions envie de changer de posture. Mais nous avons pris la détermination d'aller jusqu'au bout de l'heure sans bouger. Nous sommes déterminés à rester assis sans bouger même si nous devions en mourir. C'est ce type de détermination qu'il faut développer. Si nous réussissons à ne pas bouger malgré les difficultés, nous serons très satisfaits de notre pratique. C'est de cette façon que nous devons cultiver les paramis. Le Bouddha a fait exactement la même chose. Ce n'est qu'en fournissant cet effort qu'on pourra obtenir des bénéfices. Une autre paramie, c'est Satcha, la sincérité. Il faudra que nous nous entraînions à être toujours sincères. Dire toujours la vérité, ce n'est pas facile. L'humilité, l'obéissance, non seulement vis-à-vis de la pratique, mais également vis-à-vis du professeur, vis-à-vis des autres. Nous devrons constamment faire un effort, être attentifs à être honnêtes, à dire la vérité, à ne pas prétendre, à rester très droit. Il existe une pratique que on peut adopter à propos de la sincérité. Imaginons par exemple que l'on ait fait une action négative et qu'on n'aurait pas envie de l'avouer. On décide de l'avouer parce qu'on désire être sincère et honnête. On dit donc la vérité. Au moment où on dit la vérité, on peut faire un vœu à propos de n'importe quoi. On peut se dire, parce que j'ai été honnête, j'ai été sincère, je souhaite ceci ou cela. C'est une façon de pratiquer et qui peut être utile dans la vie. Une autre paramie, c'est Upekkha, l'équanimité. Cette équanimité n'est pas facile à développer. Nous devons nous entraîner. Dans la vie de tous les jours, il y aura parfois des situations très agréables qui vont se manifester. Essayons de faire preuve d'équanimité en ne tombant pas dans l'euphorie. Lorsque ce seront des situations difficiles qui vont se présenter, faisons preuve là aussi d'équanimité en ne tombant pas dans la dépression. Nous devons nous dire que ces situations sont transitoires, qu'elles sont anicca, qu'elles apparaissent et disparaissent constamment. De cette façon, nous développons l'équanimité et nous sommes moins sous l'emprise de ces choses. Cette capacité à se montrer équanime dans toutes les situations nous sera très utile dans la vie de tous les jours. Et plus nous développons cette capacité à nous montrer équanime, plus nous réussirons à surmonter les difficultés. Il y a moyen donc de développer les paramis, les vertus, à des niveaux différents. Nous faisons de notre mieux pour les développer. Ce premier type de développement est un développement normal, c'est le premier niveau. Nous les développons dans une certaine mesure, mais elles n'ont pas encore atteint leur pleine maturité. Le Bouddha, quant à lui, a développé ses vertus au-delà de ce premier niveau. Par exemple, pour ce qui est de dana, la générosité, le Bouddha était capable de donner tout ce qu'il possédait. S'il était roi, par exemple, et qu'on lui demandait son royaume, il pouvait s'en défaire facilement. Il pouvait faire don de sa femme, de ses enfants. Il pouvait faire don de ses organes, comme l'œil, le rein, etc. Tout cela, c'est donc une générosité supérieure. En pali, on l'appelle dana upaparami. Le Bouddha a été encore plus loin et il était même devenu capable de faire don de sa vie. Si par exemple sa vie était en danger et que il pour échapper à la mort il devait tuer, il s'en serait abstenu. Il préférait mourir que de tuer. Dans les histoires des vies antérieures du Bouddha, il est question d'un lapin dans lequel il avait repris naissance sous forme d'un lapin. Ce lapin vit arriver des personnes qui lui ont demandé de pouvoir le tuer pour manger sa chair. Et ce lapin leur a répondu qu'il n'était pas nécessaire qu'il le tue, il allait lui-même se jeter dans le feu. C'est une des histoires des vies antérieures du Bouddha. Il avait mené la générosité d'Anna à sa perfection, il avait donc fait don de sa vie volontairement. Ce type de dana est appelé dana paramatta parami. Quelqu'un qui est capable de ce niveau de générosité a mené ses paramis à leur perfection. La profondeur de tout ceci est très difficile à imaginer. Le Bouddha a développé ses paramis et les a menés à leur accomplissement au cours d'un nombre incalculable de vies. Lorsqu'il est devenu un Bouddha, ses paramis, ses perfections avaient atteint leur accomplissement. Nous avons donc vu les 10 paramis, les 10 perfections et les 3 façons de les développer. Au total, on peut donc dire qu'il y a 30 paramis. Il y a les paramis développés à un niveau normal, il y a les paramis appelés en pali ou pas paramis, les paramis supérieurs, et enfin les paramatta paramis, celles que le Bouddha a développées. Pour ce qui est donc de la générosité, pour ce qui est de sila, le renoncement, la sagesse, la patience, l'amour bienveillant, la détermination, l'effort, toutes ces paramis devront donc être cultivées le plus souvent possible. Nous devons nous prendre l'habitude de les développer. Ici, au cours de cette retraite, nous les développons constamment, pendant toute la journée. Nous créons ainsi les causes pour avoir des effets. Des effets bien précis, ils seront positifs puisque les causes sont positives. Et un jour, ces paramis auront été menés à leur perfection. Tout ceci va se faire progressivement, un petit peu comme une eau qui s'écoulerait goutte à goutte. Plus on les pratique, plus elles se développent. Et un jour, lorsque les conditions seront là, ses paramis vont fleurir. Le yogi doit donc comprendre que le travail qu'il fait ici n'est pas inutile. Il ne perd pas son temps lorsqu'il pratique de cette façon intensivement. Les yogis doivent comprendre qu'il faut poursuivre cet entraînement. Ils sont venus à la retraite une fois que la retraite est terminée, ils rentrent chez eux, puis ils vont reparticiper à une retraite une autre fois. Ils doivent ainsi maintenir leur entraînement. Lorsqu'on s'entraîne au cours d'une retraite intensive comme celle-ci, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on s'entraîne une fois rentré chez soi. Ici, pendant la retraite, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de kilesas qui vont envahir l'esprit. Mais dans la vie de tous les jours, il y en aura beaucoup plus et elles seront beaucoup plus puissantes. Nous devons donc comprendre que ce que nous faisons ici au cours d'une retraite intensive, c'est un entraînement. Nous sommes ici dans une espèce de salle de gymnastique où nous entraînons notre esprit. On pourrait comparer cela à quelqu'un qui pratique le judo. Il va commencer par se rendre dans un club et il va apprendre la méthode, les techniques, dans un contexte artificiel. Mais en réalité, ces techniques ont pour but de lui permettre de se défendre dans la vie de tous les jours. Lorsque nous serons rentrés chez nous et que nous serons de nouveau confrontés aux difficultés de la vie quotidienne, il y aura beaucoup de kilesas, beaucoup d'ennemis qui vont nous attaquer. Comme nous avons pris l'habitude, ici, au cours de cette retraite, dans ce contexte artificiel, de comprendre que tout est impermanent, que ces choses n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître, dans notre vie quotidienne, lorsque nous serons confrontés à des difficultés, nous allons spontanément comprendre que ces choses sont anicca, impermanentes. Nous aurons ainsi une vision sage de la réalité. Nous serons capables de nous abstenir de réagir, tout simplement parce que nous nous sommes entraînés au cours de cette retraite. On peut dire que ce sont là les bénéfices de la retraite. Nous devenons capables de mieux gérer notre vie de tous les jours. Il faudra cependant continuer à développer les paramis dans la vie de tous les jours. Nous devons constamment essayer de renforcer notre esprit, de le stabiliser. So the time also up. So try your best. All the fulfillment of the parami, we can get the benefits. So wish you all. May you all be able to maintain your parami up and up to reach until free from all the suffering. Sadhu. Sadhu. Sadhu.